36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoureux. Chat de gouttière et chat si à moi. Y'a qu'une télé, j'ai télé chat. Télévision de premier choix. Faites à la main comme autrefois. La seule qui soit au beurre d'anchois. Y'a qu'une télé, c'est téléchat. Y'a qu'une télé, c'est téléchat, téléchat. Programme varié et délicat. Pour tous les âges, sur tous les toits. Par ce cher gros chat avec le concours de Lola. C'est le couple le plus sympa. Y'a qu'une télé, c'est téléchat. Y'a qu'une télé, c'est téléchat, téléchat. Y'a des images qui font le poids. Chalut. Ça fait des années que je voulais faire celle-là, Chalut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vient d'entendre le générique de Téléchat, qui était une émission de Roland Topor, notamment, qui avait fait ça avec un de ses complices, qui avait fait Marquis par la suite, d'après Marquis de Sade, bien évidemment, le grand Roland Topor, qui n'est évidemment plus là. Téléchat, un début d'émission un petit peu mouvementé, parce qu'on ne sait pas si c'est bulle noire, bulle de rêve. Comme vous savez, ça fait deux fois que je suis là en pas, donc comme on a échangé d'émission, à un moment donné, on se trompe, vous savez, c'est comme... À un moment donné, tout ça se mélange, donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je prends l'antenne et puis de toute façon, il y a un invité, moi j'en ai pas. J'allais vous faire un petit tour dans l'histoire du cinéma d'animation, car pour tout vous raconter, j'ai pris récemment un nouveau travail de professeur et je me rends compte à quel point le travail de professeur est compliqué. Et je pense qu'on devrait tous faire le travail des autres pendant 6 mois, 3 mois, pour se rendre compte à quel point les travaux des autres sont aussi compliqués, voire plus que les nôtres. On aurait un peu plus de respect pour chacun à travers ça. Donc ça m'a pris du temps, j'ai pas eu le temps d'avoir des invités, ce qui tombe bien si jamais c'est Stéphane finalement qui prend la parole. Vous allez m'entendre et surtout beaucoup, beaucoup d'extraits musicaux. On va faire un panorama du cinéma d'animation depuis le premier film d'animation. En attendant, vous savez, il y a toujours un petit coup de cœur, je présente un disque, et ce matin, j'en avais pas, j'avais pas écouté, puis on m'avait offert ce disque depuis un bout de temps maintenant, et j'avais pas encore eu le temps de l'écouter. Je me suis mis ce matin, je me suis dit, tiens, et puis ça tombe bien parce que j'aime beaucoup, donc ça m'a sauvé, c'est arrivé comme ça. C'est un groupe qui s'appelle Ces gens-là, ça doit être autoproduit, c'est des amis qui me l'ont offert, je vous dirai un petit peu après où on peut trouver ça sur internet, etc. On va écouter de l'album qui s'appelle La Valse Derviche, on va écouter le morceau 9, qui s'appelait, j'ai hésité en plein de morceaux, qui s'appelle, j'y arrive, Place Bougeloud. On écoute. Papadoo, dee ba doo doo, papadoo, doo papadoo, dee ba doo doo, papadoo, doo papadoo. On se bouscule, on s'agglutine, place bouche lourde. L'Europe ne semble pas si loin. Les singes prennent des vitamines, place bouche lourde. Des rondes se forment à 19h20. Je respire, je suis vivant. Je respire, je suis vivant. La direction se réserve le droit d'admission, place Bouchelot. La direction donne ses autorisations. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'un mouton. Alors je respire, je suis vivant. Je respire, je suis vivant. On m'examine, je m'achemine, je joue des coudes vers Dieu qui n'est jamais bien loin. Je demande l'asile, miséricorde, je connais bien pas l'autre. Quant à mon sang, je le transpire, je le vaux bien. Ma peau est chère, I speak English, very, very, very good. J'accepte le label français, moitié terrien, moitié algérien. La rue me flotte, elle me dégage, me laisse à bout de bouche lourde, à bout de cœur, bête sans chair. Je me rends lointain qui respire, le lointain qui est vivant, le lointain qui respire, le lointain qui est vivant. Le sergent serpent siffle aux orphelines qui bout de bouche lourde qui reviendra pour 19h20. Alors on respire, on est vivant, on respire, on est vivant. Voilà, donc c'était, toujours, vous écoutez toujours, Bulle de rêve, hein, ça, c'est comme une passerelle entre l'émission Nicolas et Amine. Je vais voler un petit peu, vous n'entendez pas beaucoup de chansons françaises normalement dans mon émission. Et là, donc, c'était un groupe qui s'appelle Ces gens-là, qui mélange jazz, un peu de variété française et musique arabe. Et c'est très bien d'ailleurs, à un moment donné, il y a une reprise visiblement d'une musique de Cheikh Imam, il y a... Une autre reprise d'un grand chanteur algérien, mais je ne sais pas s'il est d'Alger ou d'ailleurs. En tout cas, il est algérien, Damanel Arachi. Je suis désolé pour la mauvaise prononciation. Et c'est un très très bel album. Donc le chanteur, c'est Kassem Mesbahi. Et ces gens-là, vous pouvez trouver donc cet album, La Valse Derviche, dans un libraire enfin, qui s'appelle Le Calife de Belleville, 23 rue Sainte-Marthe, Paris 10e. Donc Calife de Belleville, 23 rue Sainte-Marthe, dans le 10e. Et alors, je vais vous donner quand même, il passe le 19 avril au Living Bar, au 15 rue de la Vieux-Ville, à Paris 18e. 19 avril au Living Bar, 15 rue de la Vieux-Ville. 18e, Paris 18e. Et je vais vous donner l'adresse internet. Vous pouvez écouter trois autres morceaux. Deux autres morceaux en plus de celui-là. C'est parti. http://www. Ça, vous connaissez maintenant par cœur. On connaît tous. Donc, myspace.com. Hein, c'est myspace, myspace.com. /de nouveau. Ces gens-là. Alors, CGENSLA. C-G-E-N-S-L-A. C'est le nom du groupe. Je pense que si vous le tapez, de toute façon, sur Google, vous pouvez sûrement trouver. Voilà. Mais c'était mon coup de cœur. C'était une très belle découverte. Et puis la langue arabe est tellement belle chantée. Donc voilà. Et la langue française aussi. Donc les deux mélangés sont absolument superbes. On commence avec tout ce remue-ménage. J'essaie de me retrouver un petit peu dans mes notes. Donc je voulais vous faire une petite chronologie du cinéma d'animation pour qu'on s'y retrouve un peu. Ça fait longtemps que je fais cette émission maintenant et je me disais que c'était pas mal à un moment donné. Bon, il y en a plein d'entre vous qui connaissent bien l'animation. Pour ceux qui connaissent un peu moins, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça. L'animation, la première projection de cinéma d'animation, c'est le Théâtre Optique d'Émile Reynaud au Musée Grévin. C'est le 28 octobre 1892. 1892, c'est 3 ans avant le cinéma. De prise de vue réelle qu'on connaît des Frères Lumière. L'animation arrive 3 ans avant, avant tout ce qu'on va connaître par la suite, hein, de fiction, on va dire. Émile Reynaud est tout seul au Musée Grévin. Il paye. C'est lui qui paye pour être dans le lieu du Musée Grévin, etc. Et il a son Théâtre Optique qui fait bouger comme ça de ses deux mains. Vous imaginez, c'est comme une pellicule 35 mm, mais au lieu d'être verticale dans le projecteur, elle est horizontale et il bouge comme ça. Plein de petites vignettes qu'il a lui-même dessinées. Il va finir ruiné parce qu'évidemment, les artistes et les artisans à cette époque-là ne sont pas forcément bien vus. Et même si ça marche très bien, ça marche très très bien, il finit ruiné et il jette toutes ses œuvres, la plupart de ses œuvres, dans la Seine, dépité. Heureusement, on en a quelques-unes aujourd'hui qui sont visibles parce que certaines personnes ont récupéré quand même des choses et ça nous a permis de les voir, de les avoir de nouveau. Il y a 3-4 films hein, qui sont visibles. En 1906, il y a un certain James Stuart Blackton qui découvre le principe réel de la prise de vue image par image, ce qui fait, on va dire, la spécificité du cinéma d'animation. Le cinéma d'animation, à la différence de la prise de vue réelle, c'est que si on nous prenait en photo dans ce beau studio, si on nous prenait avec une caméra normale et qu'on laissait tourner, c'est le cinéma de prise de vue réelle, et ben vous nous verriez normalement. Voilà. Si on décide de nous prendre en photo, on prend une photo, de nous, on prend un appareil même numérique aujourd'hui, on bouge légèrement, on prend une deuxième, on bouge légèrement, on prend une troisième. À la radio, c'est assez étonnant de faire ce genre de choses. Imaginez ça chez vous. On bouge une troisième fois, quatrième, etc. Et à chaque fois, on prend une photo. Donc, ça va être morcelé, mais ça va donner quand même un mouvement. Et le mouvement n'est pas créé donc à l'extérieur par nous, par exemple par Nicolas et moi dans le studio, mais à l'intérieur de l'appareil photo quand on prend image par image. C'est un peu compliqué, mais si vous avez des films d'animation chez vous, dessins animés ou autres, n'hésitez pas à faire des pauses de temps à autre, image par image, pour un petit peu voir ce que ça donne. Premier dessin animé officiel de l'histoire. Ta-da-dan. Il s'agit de Fantasmagorie d'Emile Cole, C-O-H-L, en 1908. D'ailleurs, avec un peu de chance, on en reparlera, mais le Forum des images aimerait visiblement faire une rétrospective d'Emile Cole en fin d'année. Donc ça serait bien, mais on en reparlera évidemment si ça se passe. Fantasmagorie, 1908. Hein, le film a maintenant, on aura 100 ans l'année prochaine. 1910, c'est les premiers studios qui sont créés. En gros, en France, ça reste un peu artisanal. Aux États-Unis, ça devient l'industrie. Les films sont projetés en première partie de films pour adultes et on a des gens comme... il y aura toujours des artisans hein, aux États-Unis. Quelqu'un comme Winsor McCay, le grand dessinateur de BD qui a fait notamment Little Nemo, continuera évidemment à faire de la... des choses très artisanales seules, mais rapidement les studios etc vont créer des marques ou en tout cas des stars. 1919, la première star, et c'est notre premier petit morceau musical. Alors on est encore en muet, donc c'est souvent des petites des choses qui ont été faites même après, mais c'était pour vous imaginer un petit peu. C'est Félix le Chat qui débarque sur les écrans. Félix le Chat, une très belle création. C'est la première star. Faut savoir qu'à l'époque il arrive, il balaye tout hein. Même Chaplin, il est plus célèbre que Chaplin. Il y a des peluches sur Félix le Chat, enfin bon, on n'hésite pas vraiment, et c'est la vraie star. C'est la vraie star dans le sens où en plus il est, il va être, on va être attaché à lui. On va vouloir voir un autre épisode avec lui, puis un autre épisode. Donc on va être vraiment attaché à ce personnage. Et c'est un personnage surtout très malin et qui fait fi des conventions et des lois. C'est vraiment l'un des premiers vrais beaux personnages qui rentre dans le système et qui fout tout en l'air. Il n'hésite pas à prendre des choses du décor, à les transformer. Il transforme tout et c'est vraiment son plaisir. Et c'est lui qui qui règne, on va dire, sur ce petit monde. Et évidemment, comme lui règne, eh ben, il n'y a pas de règles. Et ça, c'est plutôt agréable. On va juste écouter deux petites minutes, c'est pour se mettre dans l'ambiance, pour vous donner un petit peu ce qui va se passer. Félix, le dessinateur, vient de dessiner Félix. On a vu la main du dessinateur à l'écran. Mais il l'a dessiné tout blanc. Et Félix, ben, il est noir et blanc. Donc, il ne supporte pas ça. Donc, il va aller voir le cireur qui va lui mettre un peu de noir. Et puis, comme ça, il va être en noir et blanc. Et puis, il va commencer à pleuvoir. Il va prendre un arbre du décor. Il va l'utiliser en parapluie. Et il va voir une jeune femme qui pleure et qui va être très triste. Et visiblement, voilà, elle est très triste parce qu'elle veut participer à un concours de beauté. Mais il dit, mais faut y aller. Et le problème, c'est qu'elle ne se trouve pas jolie. Elle nous montre qu'elle ne se trouve pas jolie. Donc, il va prendre la gomme de son créateur. Il va supprimer le visage et va redessiner un nouveau visage. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est du noir et blanc, du dessin. Deux petites minutes avec une musique de Félix. On écoute. Donc c'était un petit extrait comme ça pour vous donner un petit peu. Vous voyez, à l'époque, on était dans quelque chose d'assez joyeux quand même, même s'il y avait de temps à autre des petites choses un petit peu plus dures, on va dire, mais on était encore quand même dans la comédie, un peu comme l'était la prise de vue réelle d'ailleurs. Hein. Petit à petit, les choses vont avancer et les films sont quand même assez durs, sont assez violents, on va dire, et un petit peu sexuels, mais il n'y aura pas forcément de rejet aussi bien social que politique. Pour l'instant, c'est encore un petit peu léger, voire évidemment sur l'histoire en général. 1926, on passe de 7 ans avec le premier. Alors, petite chose à dire. Le premier long métrage connu d'animation. On confond souvent, on dit souvent que c'est ce qu'on attendra un petit peu Blanche-Neige. C'est pas vrai. Il y a trois films, dont deux qui sont argentins. Un en 1916 qui s'appelle El Apostol. J'en parle pas tout le temps parce que personne ne l'a vu. Donc évidemment, il existe. Visiblement, il a existé en tout cas. Mais c'est intéressant d'imaginer que le premier film d'animation est argentin. On a tellement l'impression que ça vient forcément des États-Unis, voire de France ou d'Angleterre ou quoi, ou du Japon peut-être. Non, l'Argentine a été les premiers, c'était du papier découpé. Mais réellement, on va dire celui qu'on connaît bien et qui est dans l'histoire, c'est un film allemand d'une réalisatrice qui s'appelle Lotte Reiniger, qui fera, pour ceux d'entre vous qui ont vu le superbe film de Jean Renoir, La règle du jeu, à un moment donné, il y a un petit théâtre en papier découpé, on va dire en ombre chinoise, et c'est elle qui a fait ce théâtre. Et elle a fait un film en 1926 qui s'appelle Les aventures du prince Ahmed. C'est un superbe film fait en papier découpé, absolument merveilleux. Ils étaient quatre à faire ce film, dont un monsieur qui s'appelle Walter Ruttmann qui était là. Vous connaissez pour les plus cinéphile d'entre vous, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Berlin, symphonie d'une grande ville, dans les années 20, qui est un film assez connu au niveau du montage, assez serré. Voilà, c'est un peu l'indépendant des Einstein par exemple, ou de Griffiths, pour de citer deux autres noms. On va écouter, juste pour faire un petit peu plaisir, l'animation à cette époque-là, c'est une animation de transformation. On est là pour impressionner aussi le public. Donc là, par exemple, le petit bout qu'on va entendre, il n'y a pas encore de dialogue, mais le petit bout qu'on va entendre, eh ben, c'est deux personnages qui vont se combattre, mais deux magiciens, donc ils vont se transformer l'un en lion, l'autre en serpent. Encore une fois, c'est en papier découpé, donc il fallait inventer chaque nouvelle pour créer... Ce que je ne vous ai pas dit, il y a 24 images pour faire une seconde. Hein, ça, c'est la base du cinéma, on va dire. En animation, ben, ça veut dire qu'il faut créer ces 24 images. Alors, aujourd'hui, on peut en faire que 12 pour faire une seconde. Certains en ont même fait que 6, etc. Mais à l'époque, on en faisait encore la plupart du temps 24. Et donc, il fallait dessiner ou découper 24 fois le même, ou alors faire des choses qui puissent bouger, on va dire, avec des articulations qui puissent bouger. Donc là, c'est un boulot énorme. On va juste écouter une petite minute 20 d'un petit morceau qui a été fait pour la sortie. Malheureusement, ça n'existe pas en DVD. Je vous donnerai après plein de noms de sites internet où vous pouvez voir ce genre de choses. Ça, c'est extrait en DVD uniquement en Angleterre. J'espère qu'un jour, en France, on le sortira. On écoute pour l'instant donc une petite minute 20 de son de Lotte Reininger. Voilà, c'était juste un petit son pour se plonger un petit peu dans les aventures du prince Ahmed de Lotte Reininger, premier long métrage d'animation, on va dire, connu, en tout cas vu par un grand nombre de personnes. Il va y avoir évidemment, fin des années 20, la révolution du son, et le premier qui va quand même se lancer dans le son, même si on va lui en vouloir par la suite pour plein d'autres choses, mais en tout cas, à ce niveau-là, il va être en avance en tout cas, c'est Walt Disney, bien sûr. Walt Disney, ça va pas être le premier court-métrage avec du son, parce qu'avant, on passait les films, et à côté de ça, il y avait du son qui n'était pas forcément synchronisé, ça pouvait être sur un disque ou ce genre de choses. Là, ça va être vraiment complètement synchronisé. Le film s'appelle Steamboat Willie. Steamboat Willie, c'est intéressant de voir les premiers Walt Disney, car ils sont souvent un peu durs. Mickey n'hésite pas à être notamment dans un film qui s'appelle Plane Crazy, 2 ans après, où il veut absolument obtenir un baiser de Minnie, il va essayer de lui faire peur dans un avion. Et heureusement, il va se recevoir une baffe, il y a quand même heureusement une morale. Mais voilà, c'est un type un peu macho, un petit peu m'as-tu vu, et qui joue un petit peu les gros bras, malgré le fait qu'il soit tout petit. Et il va se calmer bien évidemment après, il va devenir sexué, Walt Disney va en faire une toute petite souris bien sage, qui correspond mieux à ce qu'on peut attendre pour les enfants. Mais au début, il est comme ça. Alors là, vous imaginez, vous êtes sur un bateau, on va entendre tout le film, 7 minutes 36, il n'y a que du son, mais vous allez voir, vous allez entendre plein de bruitages, plein de choses. Les bruitages ont été faits directement en regardant le film. Il y avait des gens avec plein de choses bizarres qui faisaient le bruit du canard, vous allez entendre le bruit du chat, etc. Donc on est sur un bateau, Mickey conduit un bateau, mais le capitaine arrive et lui dit de descendre. Donc Mickey descend et il va prendre plusieurs animaux, différents animaux à leur bord, plus Minnie. Et Minnie est visiblement une concertiste, je ne sais pas. Et parce qu'elle a en tout cas une partition et un violon. Et un violon, une guitare, je ne sais plus, un trou de mémoire d'un seul coup, en tout cas un instrument avec des cordes, petit, qui fait qu'une chèvre, quand elle arrive sur le bateau, la chèvre en fait mange à la fois son, sa partition et l'instrument qu'elle a. Et ils vont avoir une idée pour refaire sortir le son, c'est bien sûr de faire comme une manivelle de la queue de la chèvre et de faire comme un... Oh, comme un orgue de barbarie, on va dire, voilà. Et le son va sortir, et Mickey, pour jouer avec ses sons, va jouer sur les objets, les animaux. Il est assez dur hein, dans celui-là, il n'hésite pas notamment, alors au départ il tape sur les casseroles, c'est plutôt, mais après il va tirer le queue d'un chat, il va jouer avec le cou d'un canard, il va jouer avec les mamelles d'une truie après avoir enlevé ses petits enfants, ses petites porcelets qui essayaient de manger en leur donnant des coups de pied, etc. Donc il est assez dur, il fait de la musique, il est très content. On va écouter, donc c'est assez, un peu plus long, 7 minutes 36 du premier court-métrage dessin animé entièrement sonorisé. On écoute Steamboat Willie. Thank you. Et voilà, c'était donc les 7 minutes 30 de Steamboat Willie. Vous êtes donc bien à l'écoute de Bulle de Rêve, l'émission 100% animation. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, tellement dans ce début un peu fou avec des invités de Polar pour venir parler finalement d'animation. J'aurais bien essayé, hein, mais visiblement l'écrivain qui était là ne voulait pas tenter le coup de mélanger Polar et animation. Donc ça ne sera qu'animation, ce qui est très bien pour moi. Nous écoutons donc 1928, le premier court-métrage avec ça en synchronisé par Walt Disney, avec le Mickey créé par Ubiworks, hein, et non pas par Disney, avec une idée de Disney. On passe 2 ans après avec un film qui s'appelle Le Roman de Renard. Le Roman de Renard, c'est le premier film d'animation français, cette fois-ci, de long-métrage d'animation français. Vous allez comprendre que je vais beaucoup parler de long-métrage. Il me semble que c'est plus facile, et après, si j'ai un peu de temps, ce qui m'étonnerait, vu le début, mais... On va essayer, mais si j'ai un peu de temps, je vous parlerai des grands auteurs, mais sinon je vous ferai une autre émission avec les grands auteurs qu'il faut absolument voir. On connaît tous les longs métrages, tous les gens d'animation s'accordent à dire, et les réalisateurs aussi, que tout se fait quasiment, toute l'invention est dans le court métrage et non pas dans le long métrage. Donc c'est vrai que j'aime bien souvent parler du court métrage, je pourrais faire une émission de 4 heures, mais déjà là en 2 heures, au moins vous montrer quelques jalons, on va dire, du cinéma d'animation en long métrage, en court un petit peu, et surtout en long et en série télé, pour montrer pourquoi aujourd'hui, en 2007, oui, on a quelque chose comme, je crois, en Europe, plus de 80 films qui sont en pré-production ou en production, en long métrage, alors qu'il y a 10-20 ans, oui, quand même, regarde, en effet, surpris, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait un qui était en production, je crois, à la même époque. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'animation. C'est ce que on va essayer de voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc Le Roman de Renard de Ladislas Starevitch. Et oui, et heureusement qu'on a des immigrés qui viennent nous aider à montrer des belles choses. L'importance, alors là, de l'immigration dans l'animation est énorme. Quelqu'un comme Starevitch, qui est né en Russie, mais qui est de nationalité polonaise. Il est né à Moscou, mais ses parents étaient polonais, donc nationalité polonaise. Est un des énormes monsieur de l'animation par marionnette. Il a influencé énormément de gens, que ce soit les Hardman, Wallace et Gromit ou Tim Burton. Là, c'est un film, donc Le Roman de Renard, tiré du célèbre roman français. J'aime bien passer ce petit extrait. Le film sortira qu'en 37, mais il a été fini en 30, plein de petits problèmes, petites choses. Il sortira finalement qu'en 37, mais il a été fini en 30. On va écouter un petit extrait d'une minute 26. C'est à un moment donné où il va y avoir un duel entre le renard qui est accusé de voler, de faire des supercheries dans le royaume, et le lion décide de faire un duel entre le loup et le renard. Et vous allez entendre quand on dit que les films d'aujourd'hui sont osés, en tout cas essayent, font des décalages. Vous allez voir, là, en fait, vous allez entendre plutôt, on va entendre un commentaire à la radio. C'est pas mal, on va entendre quelqu'un qui fait un commentaire à la radio, en fait, le duel va être commenté par un personnage qui est en train de commenter en direct à la radio pour un roman qui date quand même du Moyen-Âge, si je dis pas de bêtises, pour Le Roman de Renard. C'est quand même assez, on pouvait pas faire un décalage plus important que ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, il faut les voir, le film est édité en DVD chez Dorian Film, hein, vous pouvez le trouver quasiment partout. Et c'est des marionnettes qui vont de 80 cm à vraiment beaucoup plus petites, mais les plus grandes ont 80 cm. Ils étaient 3-4 à faire ce genre de film avec la fille, la femme de Ladislas Starevitch. On va écouter donc un petit extrait dans gros, je crois, 1 minute 26, 2 minutes, je crois, de Le Roman de Renard. On écoute ça. Allô, allô, mâles et femelles, le grand jour est enfin arrivé. Pour mettre fin aux querelles qui épuisent notre royaume, notre roi a décidé d'opposer en combat singulier Sire Renard, châtelain de Malpertuis, et son ennemi, Sire le Loup, Le match qu'on peut qualifier de match du siècle, mes chers auditeurs, sera arbitré par le grand spécialiste des combats singuliers, Messire l'Ours. Ah, le loup est entré en lice et l'arrivée du renard est saluée par des mouvements divers. Le renard porte une superbe cape, il est en train de l'enlever, il apparaît dans une armure éblouissante. Il salue, il a fière allure, il faut le dire. Le loup a l'air féroce. Il regarde du coin de l'œil. Le roi est en uniforme de simple caporal de la garde. Quant à la reine, elle porte une délicieuse toilette de satin broché. Pied de poule, oui, pied de poule. Et une ceinture crête de coq avec un ravissant plissé d'hermine fraîche. Ah, le combat est engagé. Le renard vient de donner un croc en patte à son adversaire qui se relève immédiatement. Chers auditeurs lointains des étables et des écuries, la lutte prend un tour féroce et diabolique. Attendez, je ne vois pas très bien. Le loup semble prendre l'avantage, il a saisi le renard par la queue et lui assène de formidables coups de hache. Voilà, c'était le début du duel du roman de renard, je ne vous ai pas tout mis, il y a encore quelques minutes. Donc, édité en DVD chez Dorian Films, c'est vraiment un film à voir absolument. La même époque, aux États-Unis, les seuls qui vont réussir à se mettre un peu devant, mais ils ont commencé un petit peu avant Disney, c'est les frères Fleischer. Les frères Fleischer, c'est donc les créateurs notamment de Coco avant, c'est les créateurs du karaoké. Ils ont inventé le karaoké bien avant les Japonais, puisqu'en salle, il y avait des films comme ça, et on voyait une petite boule qui avançait, et toute la salle chantait en écoutant un disque, enfin la musique qui venait d'un disque, et eux chantaient toute la salle. Ça doit être assez étonnant de voir, plutôt que voir une seule personne chanter toute seule devant un parterre, se rendre ridicule devant un parterre de gens. Au moins, il y avait toute une salle qui se rendait ridicule, et c'est quand même beaucoup plus agréable de se rendre ridicule à plusieurs. Donc ça devait être quelque chose d'assez étonnant. Et en 1930, ils créent l'un des personnages les plus étonnants et les plus importants de l'histoire du cinéma d'animation, c'est Betty Boop. Pourquoi Betty Boop? Parce que, en plus, ça tombe bien aujourd'hui avec la manifestation qu'il y a eu contre les violences faites aux femmes tout à l'heure, et avec beaucoup de choses, en effet, avec encore l'énorme travail qu'il y a à faire par rapport à la position, à la situation des femmes, on va dire, dans nos sociétés. Betty Boop était une femme qui avait les deux, qui était à la fois très sexy et qui à la fois était très indépendante, notamment dans un épisode, elle va devenir présidente de la République des États-Unis. C'est quand même étonnant. 1930, je vous rappelle, c'est vraiment un personnage très très fort. C'est vraiment un personnage qui combat. À un moment donné, il y a un type du circuit, du cirque dans lequel elle travaille, qui veut visiblement abuser d'elle. Elle lui dit "Don't take my boo boo boo boo away." Enfin, elle part, enfin, etc. Donc, c'est une femme forte et qui, malheureusement, j'entendais le début tout à l'heure de l'émission de Nicolas qui disait, qui parlait donc de ce truc absolument invraisemblable du juge là en Angleterre. Et Betty Boop, elle a aussi malheureusement subi les foudres de la religion, comme quoi, 80 ans, 70 ans avant, mais on a encore beaucoup de boulot à faire, parce que vraiment la religion nous pourrit quand même pas mal la vie avec tout ça. C'est qu'à l'époque, faut savoir, aux États-Unis, les films étaient produits par des banquiers qui étaient très croyants, très catholiques. Et ce qu'il fallait, c'est que... Et Hollywood a eu peur à un moment donné. Les banquiers disaient, mais nous, on va arrêter de vous donner de l'argent parce que vos films sont trop violents, trop sexuels. Donc, alors, c'était plus que Betty Boop, c'était pas mal de prises de vue réelles. Hein. James Cagney arrivait à l'époque, les gangsters, etc. Et Hollywood eux-mêmes, on croit toujours que c'est le gouvernement qui l'a fait, mais non. Hollywood eux-mêmes s'est doté. Les producteurs se sont dit, il faut qu'on fasse attention si on veut continuer à avoir de l'argent. Donc, ils sont dotés d'un code qui s'appelle le code ACE. Et le code ACE... Et quelque chose qui est interne à Hollywood, c'est pas externe. Et à partir de ce moment-là, il y en avait pour de faire ceci, cela, etc., etc. Et la pauvre Betty Boop, qui elle était encore une fois si indépendante et sexy, les deux à la fois, ce qu'on ne permet pas aux femmes normalement, on est ou l'un ou l'autre, mais surtout pas les deux à la fois. Elle était les deux, elle a vu sa jupe rallongée alors qu'elle était toute courte. Donc. Le côté sexy, il fallait l'enlever. Et alors, le côté indépendant part complètement, puisque là, elle se retrouve à la cuisine, elle s'occupe du petit dernier, du petit cousin qui est en vacances, ou elle se promène avec les animaux dehors, etc. Donc voilà, donc un très beau personnage pendant quelques années, et puis on dérive malheureusement à cause du code ACE. Autre chose intéressante chez les frères Fleischer, c'est qu'à l'époque, donc Disney est sur la côte ouest, Los Angeles, eux sont sur la côte est. Et ils ne vont pas hésiter à montrer, comme ils disent, eux, ils sont à New York et ils n'ont qu'à regarder dehors pour voir tout ce qui est drogue, prostitution, vol, etc. Alors, ça ne va pas être mis complètement comme ça, mais notamment, ils vont utiliser beaucoup de jazz. Et on va écouter sûrement l'un des plus drôles aussi, l'un des plus étonnants, qui est Cab Calloway, dans une chanson qui s'appelle Minnie the Moocher, Minnie la morue quand même, qui raconte l'histoire de cette femme, petite vertu, on va dire, qui rêve du roi de Suède en espérant qu'elle va devenir autre chose, malheureusement, que ce qu'elle est. Et... Donc voilà, ils n'hésitent pas à avoir des paroles comme ça un petit peu dures. Petite histoire par rapport à ce qu'on va entendre, donc Minnie the Moocher, c'est qu'ils ont inventé une machine qui s'appelle le rotoscope, qui permettait d'avoir des mouvements parfaits. Et Cab Calloway, si, pour ceux qui le connaissent, Cab Calloway notamment, on le voit dans les Blues Brothers par exemple, où il a une danse absolument incroyable, il bouge comme pas possible, il a un corps, on a l'impression, en élastique tellement il bouge de manière incroyable, donc ils l'ont filmé. Et ensuite, c'est mis, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une planche à dessin. La planche à dessin est légèrement, on va dire, alors c'est toujours mon problème avec mon vertical et mon horizontal, légèrement vertical, penché, on va dire. Vous avez une caméra en dessous, vous avez un projecteur en dessous qui va, image par image, projeter sur la feuille de dessin. Et ensuite, les animateurs ont juste à décalquer chaque mouvement. Donc on décalque. Hop, on passe, on décalque, on passe, etc. Les animateurs n'aiment pas trop ça parce qu'ils considèrent que ce n'est pas vraiment de l'animation. Évidemment, ils n'ont pas de travail à faire sur le mouvement. Et donc, la Cab Calloway, sauf qu'ils ont fait un petit truc, c'est Cab Calloway est changé en morse. Donc, on va le voir. Donc là, il y a Betty Boop et son petit ami qui vont se retrouver dans une caverne où il va y avoir Cab Calloway en morse, des chats qui chantent, des fantômes qui se font exécuter sur les chaises électriques. Enfin, ce genre de choses. Donc, je vous avais dit un univers un peu, à la fois un peu sinistre quand même, mais toujours très drôle. Ça reste là vraiment quand même du dessin animé. On écoute pour se faire plaisir. Vous allez entendre juste, j'ai fait un petit montage. On écoute donc les deux morceaux qui suivent. En fait, vous allez entendre le petit jingle de Betty Boop de l'époque et enfin le petit jingle, le petit générique, on va dire. Et ensuite, on écoutera le fabuleux Cab Calloway. On écoute. There's a little queen on the animated screen. Wait till you get a view of sweet Betty. Made of pen and ink, she can win you with a wink. Wait till you get a view of sweet. I'm not afraid. Are you Bimbo? No. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Hoody ho, de ho, hoody ho, de ho. Hoody ho, de ho, de ho. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Ari, ari, ari, ari, ari, ari. Skip up and dun dun dun dun dun ho. Dun dun dun dun dun ho. Hadi hadi ho. Hadi hadi ho. He gave his townhouse and his racing horses. Yeah. Each meal she ate was a dozen courses. She had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Dee-ho, dee-ho, dee-ho, dee-ho, dee-ho, dee-ho. Voilà, c'est toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation. Vous devez entendre Cap Calloway dans Minnie the Moocher. 1937, on passe, on fait un bond en avant. On revient à Disney. Premier long métrage en dessin animé, bien sûr, Blanche-Neige et les Sept Nains. J'ai pas besoin de vous dire, hein, mais c'est ce que c'est, je pense. Ou tous vus, ou en tout cas, on sait tout ce que c'est. C'est produit hein, par Walt Disney, bien sûr. Walt Disney n'a réalisé aucun de ses films, faut bien le dire. Il produit, dessine. Visiblement très mal. Enfin, il dessinait, mais pas. J'exagère quand je dis très mal, parce qu'il a fait quelques petits films. Faut pas non plus faire de la contre-vérité juste parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien diaboliser. Mais c'est vrai que c'était pas le créateur principal, loin de là. Il n'empêche que ben, Blanche-Neige et les Sept Nains, ça fait un carton du jour au lendemain. C'est le film qui rapporte le plus d'argent en 1937. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va vouloir des longs métrages. Les frères Fleischer, qui jusqu'à présent avaient bien tenu, ont voulu faire un long métrage qui a bien marché, qui s'appelle Les Voyages de Gulliver, qui remporte un bon succès. Le problème, c'est qu'on leur demande trop et on leur demande de faire un deuxième film. Et le deuxième film qui s'appelle Mr. Bug Goes to Town sort en pleine guerre mondiale. Évidemment, les gens ont autre chose à faire que de s'amuser, notamment dans le monde. Le film marche pas si mal aux États-Unis, mais dans le monde, évidemment, il sort pas. Et je crois qu'il sortira même en France, mais après la guerre. Et voilà. Le film, en tout cas pour Les Voyages de Gulliver, est un film qui est libre de droit maintenant et que vous pouvez voir un petit peu partout sur Internet. Je vous donnerai tout à l'heure les adresses. Pour Blanche-Neige, je crois qu'il n'y a plus d'édition pour l'instant. La firme Disney est très malin, très maligne. En fait, vous n'avez pas toujours tous les Disney en magasin. Elle attend le renouvellement des générations. Donc, vous allez avoir un film qui va être en vente pendant 3-4 ans, qui va ensuite disparaître pendant 3-4 ans, de manière à créer l'attente. Et comme ça, quand il arrive, ben, ils en vendent encore plus. Eh oui, business. Il n'empêche. Si on essaye de passer, ce qui est difficile avec la firme Disney, de temps à autre hors du côté business, il y a quand même quelques grands films. Et c'est vrai que Blanche-Neige reste un film assez étonnant. Pour la petite histoire, sachez quand même, je vous parlais de Cap Calloway en rotoscope, donc décalqué. Il faut savoir que Blanche-Neige, le personnage principal, a été décalqué aussi en grande partie. C'est une actrice qui a joué Blanche-Neige et donc a été décalquée, ce qui a aussi permis à ce que le film se fasse un peu plus vite et surtout et ce succès. On va juste écouter pour le plaisir. Alors, vous allez entendre beaucoup de langues, comme d'habitude, dans Bulle de rêve. Là, c'est de l'anglais. Évidemment, la radio, ça peut être que non sous-titré. Vous aurez un peu de japonais. Vous aurez un peu, évidemment, de français. Là, c'était intéressant. C'était la bande originale. La bande annonce de l'époque, ça dure qu'une minute trente. Vous allez voir, ils disent que c'est fabuleux. On écoute. The picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Hear what the usually hard-boiled review of Time magazine says. Snow White is as exciting as a western, as funny as a haywire comedy. It combines the classic idiom of folklore drama with rollicking comic strip humor. It is an authentic masterpiece. More than 250,000 paintings like these were created by Walt Disney and his staff of artists to make the most daring adventure in the history of motion pictures. With new and amazing characters, Snow White, warm, human, the lovable seven dwarfs. But let Walt Disney tell you about them himself. Dwarfs' names fit their personalities. This pompous-looking individual is Doc, the self-appointed leader of the group. And this little fellow is bashful. He's secretly in love with Snow White. And this funny face is Sneezy. He has hay fever. And old droopy eyes is called Sleepy. And Happy here with a beaming smile. And old sourpuss here is Grumpy, the woman-hater. And last but not least is Dopey. He's nice, but sort of silly. Voilà, c'était la bande-annonce de Blanchet et Sept Nains, dans le sens américaine. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire, 1939, le second conflit mondial explose et l'animation va beaucoup en profiter car les gouvernements se rendent compte que l'animation peut servir de grand moyen de propagande. Et donc aussi bien aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, un tout petit peu moins en France, un peu en Angleterre, tous ces pays vont utiliser. Alors il faut les voir, ils sont malheureusement la plupart censurés aujourd'hui. Évidemment, on a un petit peu honte de ce qu'on fait en temps de guerre, de ce qu'on ose faire en temps de guerre, mais les ennemis sont évidemment traités de tous les noms. Les Japonais traitent les Américains de tous les noms. Je ne parle même pas des Américains qui n'hésitent pas aussi bien les Allemands que les Japonais. L'ennemi étant à abattre absolument, on n'hésite pas à employer des termes comme ça qui sont évidemment aujourd'hui qu'on essaye de cacher, ce qui est évidemment une super grosse erreur. Il faut les montrer, il faut montrer ce qu'en temps de guerre, malheureusement, l'être humain est capable de faire, en plus évidemment de s'entretuer, mais en plus au niveau du cinéma et de tout ce qui est propagande. En 1940, pendant la guerre, Disney sort Fantasia, un film assez important sur évidemment la musique et l'adaptation de la musique, même si beaucoup de gens du classique détestent Fantasia parce qu'ils considèrent que c'est qu'on plaque des images comme ça qu'on n'a pas à plaquer. Il n'empêche que ça reste un très beau film, je trouve personnellement en tout cas. En même temps, la Warner commence et apparaît un lapin nommé Bugs Bunny. Et voilà, si Disney n'aura pas de rival, on va dire, de rivaux importants au niveau du long métrage, en court métrage, il y aura des gens comme évidemment Tex Avery, Chuck Jones, Fritz Freleng, tous ces gens de la Warner qui insuffleront pas mal de choses délirantes, Daffy Duck, Porky, etc. 1941, c'est le premier long métrage chinois, La princesse à l'éventail de fer des frères Wan, et la création du département d'animation à l'ONF avec l'arrivée de Norman McLaren, grand monsieur de l'animation qui va prendre plein de techniques et qui va les mélanger, qui va surtout aller très loin dans l'utilisation de ces techniques, que ce soit grattage sur pellicule ou pixilation, qui est l'animation d'êtres humains. Donc le premier long métrage animé chinois, La princesse à l'éventail de fer des frères Wan, 41, très beau film, et le roi des singes notamment qui arrivera en 60 sur des frères Wan, et un film magnifique. Petite sauce interne, en fait on va passer cet extrait là que je ne vais pas passer parce qu'on n'aura pas assez de temps, et on va même passer celui d'après pour arriver en fait je te dirai, donc ça va pas être le roi des singes et ça sera pas non plus la légende du serpent blanc, ça sera celui d'après. Je reviens à mon petit après cette petite sauce interne. 1943, premier long métrage officiel animé japonais, cette fois-ci, comme vous voyez, comme par hasard pendant la guerre, Les Aigles Marins de Momotaro, de Seo Mitsuyu, qui fait que 37 minutes, mais qu'on considère être l'un des premiers films d'animation, le premier long métrage animé japonais, 43. En 44, vous avez, si vous vous rappelez, il y avait Sébastien Labadé qui était venu nous expliquer ce qu'était le studio UPA. Quelqu'un de passionné qui nous avait permis de mieux comprendre ce studio, c'était 44. UPA, ils vont changer complètement, ils vont changer l'esthétique même du dessin animé en faisant des lignes très droites, en cherchant pas à être réaliste, et même des fois il n'y avait quasiment pas de décor. Ce que vous connaissez des studios UPA, c'est Mr. Magoo notamment, c'est le plus connu, et Gerald McBoing-Boing qui a eu même un Oscar et qui est un petit personnage très, très drôle et très étonnant. Bon, Mr. Magoo étant le plus connu. 1949, on avance, premier long métrage italien, La Rose de Bagdad. 1950, premier long métrage dessin animé français, Jeannot l'Intrépide de Jean Image. 1958, La Légende du Serpent Blanc, film important de Taiji Yabushita, qui est édité. J'ai arrêté de vous dire qu'est-ce qui est édité parce que la plupart de ce qu'on a vu avant n'était pas édité. Je crois que même Fantasia n'est pas édité. Par contre, les choses de Warner, Tex Avery, etc. sont éditées sans problème. La Légende du Serpent Blanc, c'est édité chez un éditeur en DVD chez Wildside. C'est le premier long métrage de la branche animation d'un studio qui s'appelle le studio Toei. Le studio Toei, c'est un studio où on travaillait notamment deux grands génies de l'animation japonaise qu'on connaît plus aujourd'hui, qui sont Isao Takahata et Hayao Miyazaki, dont on parlera après, et qui ont vu La Légende du Serpent Blanc jeune et qui ont été très impressionnés avec un autre film français dont on parlera plus tard. 1960, alors là, tout change. Vous n'allez pas être surpris d'avoir, pendant les années 60, on a les débuts d'Osamu Tezuka dans l'animation japonaise. Il va révolutionner, c'est un mangaka moderne. On dit, moi je ne m'y connais pas assez, on dit que c'est l'invention du manga moderne. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et en 1960 aussi débarquent sur la télévision américaine les Flintstones, des pierres à feu dont on va écouter le générique, je crois maintenant, Flintstones, c'est bien ça. Donc on écoute un petit peu le générique pour se remettre ce qu'étaient les Flintstones. On écoute. Voilà, donc c'était, vous avez reconnu un petit bout des Flintstones. Ce qu'apportent les Flintstones, évidemment, à la télé, ça va être une animation en même temps au Japon, peu de temps après, ça va être Astro Boy de Tezuka. Et la télé arrive évidemment de manière importante dans les foyers. Et l'animation va participer dans cette arrivée massive avec une animation souvent, évidemment, beaucoup plus limitée, comme on appelle. Hein. On appellera ça l'animation limitée. Tezuka ayant été l'un des premiers, je crois, à faire du 6 images par seconde. On verra un petit peu plus tard dans d'autres, séries qui débarqueront sur la télévision française un peu, dans les années 70-80. En 67, allez, pour se faire plaisir, pour écouter un petit peu, enfin Disney se rend compte que le jazz existe et il fait un film qui s'appelle « Les livres de la jungle ». On va écouter l'un des meilleurs moments du « Livre de la jungle ». On écoute... ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est « I wanna be like you ». Donc il doit être chanté encore une fois par cette fois-ci par Luis Prima. On écoute le livre de la jungle. Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. Hop-de-ooby-doo-ba. I want to walk like you. Chip. Talk like you. Choo-choo. Weepy-dee-bee-doo. You see it's true. Shoo-bidee-doo. An ape like me. Scooby-dooby-dooby. Can learn to be human too. Made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Thank you. doo da day, bum da boo da day, so bones a bop bop babe. Abba doo dee, will a reap a nazza, ever do ba doy, will a la ba zini, will a but, steeple a doody, will a ha ha ha ha, get mad baby, ha la la la la, will a ha la la la do doody, ho la la la dee loo, do do do la da da da da, do la da da da da, steeple da da ha ba da, you hoo hoo hoo doo, I wanna be like you. Donc c'était Louis Prima et Disney qui découvrent le jazz avec donc, le livre de la jungle en 67. 67, c'est pas très loin de 68. Je vous, vous étonnerai pas en disant qu'en 68 aussi, le petit monde de l'animation a été révolutionné. Et c'est un vrai changement, c'est un vrai gros changement. En 68, on a un groupe un peu célèbre à l'époque, hein, qui s'appelle les Beatles, et qui va faire un film. D'après, ils vont faire un film, enfin, le réalisateur s'appelle George Dunning, et donc tiré d'un de leurs disques, Yellow Submarine. Ça va être complètement délirant, il va y avoir un mélange de photographie, un mélange de dessin, donc un mélange de papier découpé, et c'est la première fois qu'on a aussi un film quand même un long métrage, on va dire, d'animation vraiment fait quasiment que pour les adultes, pour les adolescents, mais pour les adultes où on a en plus 4 personnes connues comme ça. Donc Yellow Submarine va être un vrai gros changement. On va le voir par la suite pourquoi, mais notamment parce que beaucoup d'animateurs vont travailler dessus, et beaucoup surtout d'animateurs vont le voir de réalisateur. Donc on va écouter, pour se faire plaisir, la bande annonce de anglaise de Yellow Submarine. Alors il y a un peu de paroles, vous allez entendre même à la fin George, John, Paul et Ringo parler eux-mêmes, mais vous allez avoir aussi plein de petits extraits de Yellow Submarine. On écoute la bande annonce. Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine. Photography, landscapes painted with Beatle sounds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. We all live in a yellow submarine. The Yellow Submarine. Yellow Submarine. The forces of good, the Beatles. The boob. I must complete my bust. 2 novels, finish my blueprint, begin my begee. Hey, Jeremy, must you always talk in rhyme? If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. The forces of evil. Robin, the butterfly stomper. Snapping turtle Turk. The apple barkers. The terrible flying glove. The arch villain, the blue meanie. You could pass for the originals. We are the originals. We're sergeant men with lonely hearts and hands. We hope you will enjoy. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. at John, will ya? What's the matter, John, love? Blue meanies? Newer and bluer meanies have been sighted within the vicinity of this theatre. There's only one way to go out. How's that? Singing! One, two, three, four! Ce qui est un peu notre cas, parce que le studio est un peu jaune, quasiment. Donc nous vivons quasiment dans un studio jaune, et non pas dans un sous-marin jaune. C'était le choc Beatles dans en 1968, vraiment avec ce mélange entre plusieurs styles, et puis surtout un ton très, très adulte. Malheureusement, le DVD n'est plus édité. Est-ce qu'une certaine veuve d'un des quatre serait dans l'affaire? Ah non, Nicolas, en effet, on ne croit pas, hein, c'est juste pour peut-être une histoire de gros sous. Non, elle n'est pas comme ça. Non, elle ne serait pas comme ça. Malheureusement, donc, le DVD n'est pas édité. Et si vous voulez l'acheter, il est à 300 euros quasiment en vente, voilà, sur les marchés. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, c'est ça que ils devraient se rendre compte. C'est que certes, ça pousse à la spéculation. Et d'un seul coup, ça coûte une fortune. C'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, on peut le regarder, mais en non sous-titré, par contre, sur tout ce qui est YouTube ou Google, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, elle ne regarde pas ça, enfin bon, c'est très bizarre. Yellow Submarine, en tout cas, un film très important. La même année, on ne pourra pas passer l'extrait, le temps va nous manquer, mais vous l'avez déjà entendu pour les plus fidèles d'entre vous, et vous les connaissez surtout tous, c'est les Shadocks. Les Shadocks arrivent à la télé française, à l'ERTF. Pour les plus jeunes, il faut se rappeler, il n'y avait quand même qu'une chaîne à l'époque. Donc tout le monde regardait les Shadocks quand ça arrivait, et c'était un scandale à l'époque. Vraiment, il y avait énormément de gens qui ne comprenaient pas que les fonds publics puissent participer à la production de ces horreurs et de ce non-sens total. Heureusement, ce non-sens a été très important. Plein de gens l'ont vu et aujourd'hui encore, les Shadocks tiennent. Comme quoi, quand c'est du non-sens et c'est du délire, ça peut tenir encore 40 ans après, puisque ça fait 40 ans que les Shadocks ont été créés. Voilà, ça reste vraiment, faut les voir, ça reste quelque chose d'exceptionnel. J'en ai souvent passé ici. Olivier en a forcément aussi passé. Je crois qu'il avait dû recevoir, peut-être pas Jacques Rouxel, mais au moins Marcel Ponty, je pense, à une époque. Moi, j'avais reçu le producteur des 3A, donc vraiment, on en parle souvent. Valérie avait reçu Jacques Rouxel. Et Valérie avait reçu, voilà, Jacques Rouxel. Donc, je pense qu'on a dû recevoir un petit peu toutes les strates, on va dire, des 3A, aussi bien le créateur originel que sa femme, Marcel Ponty, que le producteur maintenant des 3A. On aura eu pour preuve de l'importance, aujourd'hui encore, des Shadocks et de la production et de la maison de production des 3A. Voilà. 1972, on arrive au premier et quasiment seul film d'animation X. Bien sûr, c'est Fritz the Cat de Ralph Bakshi, tiré de Monsieur Crumb, grand dessinateur notamment des Fritz Brothers. Non, je dis une bêtise. C'est qui les Fritz Brothers? Les Fritz Brothers, c'est Shelton. C'est Shelton. Ah, j'étais persuadé, mais Crumb. Bon, bah alors, voilà, en direct, vous reconnaissez maintenant, vous savez mon incompétence au niveau BD. Donc, c'est Shelton qui fait les Fritz Brothers et Crumb qui fait Fritz the Cat. Crumb a fait quand même des choses qui étaient assez délirantes et assez folles à l'époque, très sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, voilà, je suis désolé, je relirai les Fritz Brothers et Crumb très prochainement, promis. 72, donc quand même Fritz the Cat, un grand moment d'émancipation pour un peu tout le monde, aussi bien au niveau évidemment du sexe et de la drogue, mais que de la violence qu'on peut y voir et surtout des problèmes sociaux qui sont montrés dans le film. Ralph Bakshi va faire plusieurs films, dont la première adaptation du Seigneur des Anneaux en 78. Mais là, on va écouter la bande-annonce, encore une fois. On écoute beaucoup de bande-annonce, parce que ça permet en peu de temps, finalement, d'avoir un peu l'empreinte du film de Fritz the Cat. On écoute ça. Sheesh, what a mob in the park today. I worked the Head Start for free last summer. Black kids are so much groovier. I ain't no jive-ass black nigger, honey. Mm-hmm. Lovely set of eyes there. Four in bed. That's a kick I haven't tried yet. Okay, Weston. Here come the truth. In power? Would you like to see a picture of my kids? Donc c'était la bande-annonce de Fritz the Cat d'après Crumb de Ralph Bakshi. Qu'on écoutait. Vraiment, à part un moment important, là, vraiment, on arrive. Là, on se rend compte qu'on peut vraiment faire des longs métrages pour les adultes. Ça va se retrouver aussi en France en 73 avec La Planète Sauvage de René Laloux. Grand film, on retrouve évidemment Topor qu'on a eu au début avec Téléchat. Un univers très particulier. Allez, si on se fait plaisir, on écoute juste le début de La Planète Sauvage. Ça dure 1045. J'enlèverai Le Roi et l'Oiseau que vous connaissez tous, mais on va quand même écouter. À moins que tu l'aies déjà passé, Igor. Ben, on va écouter donc le début de La Planète Sauvage. Film important, il est passé à Cannes. C'est l'un des seuls longs métrages d'animation qui a un prix à Cannes, qui a, je crois, le prix spécial du jury à l'époque. Il n'y a plus rien depuis. Hein, depuis 30 ans, l'animation est complètement négligée par le Festival de Cannes, qui n'y connaît strictement rien. Si, qui met Shrek en compétition, c'est pour dire à quel point ils n'y connaissent strictement rien d'animation, le Festival de Cannes. Mais là, La Planète Sauvage. Il y a aussi évidemment Topor derrière, donc je suppose que ça aide énormément. Un très grand film où là. Le tout début du film qu'on va avoir, c'est une femme qui court avec son bébé dans les bras, et il y a des mains bleues énormes qui l'empêchent d'avancer. On écoute le début de La Planète Sauvage. C'est malin, nous ne pouvons plus jouer avec elle maintenant. Voilà, c'était La Planète Sauvage, le film de René Laloux. René Laloux fera deux autres longs métrages, Les Maîtres du Temps et Gandahar. Les Maîtres du Temps, alors je regardais quand même, non, je me suis trompé, mais j'espère pas. Les Maîtres du Temps, c'est Moebius, il le fait avec Moebius, et Gandahar, il le fait avec Casa. Voilà, donc à chaque fois, il a vraiment pris quelqu'un, René Laloux, de très fort au niveau graphique. 73 sort Robin des Bois des studios Disney. C'est la première production qui a commencé après la mort de Disney. Disney étant mort en 66, et c'est le début vraiment un peu du déclin, même si moi j'aime bien Robin des Bois, parce que je l'ai vu, je pense, quand j'étais jeune, donc j'en garde un souvenir un peu ému, mais je pense que c'est un peu le début du déclin. 78, alors là vous allez tous me pardonner, ceux qui seront dans mes os et qui auront entendu ça, voilà, ça les amusera. Les autres se diront, mais qu'est-ce qu'il y a d'un seul coup? Je suis désolé, c'est un plaisir vraiment coupable. Je vous demande juste ces 3 minutes là, le plaisir coupable. En 78 arrive à la télé quelque chose qui va révolutionner l'animation pour nous et qui va permettre ensuite d'avoir pas mal de choses japonaises qui vont arriver de largement meilleure qualité que ça. Mais c'est vrai que d'un seul coup, on va avoir une série qui va nous parler un peu plus au niveau science-fiction que ce que pouvait nous parler. Donc on écoute un montage de 2 chansons, excusez-moi encore, 2 minutes 40 de Goldorak, pardon. Jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Actarus, toi dans ton robot, tu décolles à l'aventure. Tu détruis les vilains à coups de corneaux fulgures. Toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Que la lumière, qui est-il, d'où vient-il, formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il, d'où vient-il, ce terrible géant. C'était, je suis désolé, j'espère que vous êtes toujours là. Mais je suis sûr qu'il y en a quand même qui ont chanté derrière leur radio. C'était en effet Goldorak. Alors, c'était évidemment plus sérieux au Japon. Hein. La chanson n'était pas la même. Nous, c'est un marchand qui a acheté Goldorak à l'époque. Il s'est dit pourquoi pas, qui a mis une musique dessus. Et c'est absolument terrible. Ce qui est intéressant, c'est que la presse s'est rabattue dessus en disant que l'animation japonaise était vulgaire, violente, mal animée. Alors, c'est vrai que Goldorak est loin d'être exceptionnel, je l'avoue. Même si c'est amené de la science-fiction dans les séries, dans des dessins animés, donc ça a quand même marqué pas mal une génération. Mais malheureusement, l'animation japonaise va passer un long, long moment de désert à cause de Goldorak. Il faut savoir que toutes ces séries sont quand même coupées quand elles arrivent en France. Par exemple, pour les nouvelles générations, Dragon Ball Z ou Détective Conan, qui sont vraiment 3 séries hein, qui arrivent comme Goldorak 70, Dragon Ball Z je crois 90 et là maintenant Detective Conan dans les années 2000, c'est des séries qui sont coupées parce qu'en France on est moins habitué avec l'image que les Japonais qui lisent beaucoup de mangas, hein, la BD, donc ce qui fait qu'on coupe ce qu'on considère être un peu trop violent pour les enfants. Et oui, la télé peut se permettre de faire ça. 80, et alors là on va juste écouter un peu le début parce qu'on peut pas, mais 80 évidemment grand moment, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud sur des textes de Jacques Prévert. Et évidemment si je passe ça après avoir passé Goldorak, si j'enlève en disant non on va pas passer, on va me détester à juste titre parce que quand même Les textes de Prévert sont quand même beaucoup plus beaux, surtout là, le petit extrait que j'ai choisi. C'est un film qui est sorti, qui avait été commencé dans les années 50. Ça, la maison de production, les films du Gémeaux, qui a été comment dire, créé par Paul Grimaud lui-même avec d'autres associés. Les autres associés vont considérer que Grimaud va trop lentement pour faire le film. Donc, il va se faire virer. Grimaud va partir ou se faire virer. J'avoue que je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il part. Et eux vont décider de sortir le film. Le film va passer à Venise avec un carton expliquant que le film n'est pas soutenu par ses auteurs. Jacques Prévert, le scénariste, le co-scénariste, et Paul Grimaud, le réalisateur, le co-scénariste. Le film aura quand même un prix là-bas. Et le film est plus visible dans cette version-là. Ils vont les racheter... En 64, Paul Grimaud rachète le négatif en 64 et finit le film qui sortira finalement en 80 pour un film commencé dans les années 50. Fallait le vouloir. On va juste écouter, c'est un très beau film, on va écouter là, une petite scène où justement la bergère et le rameur. On l'écoute de toute façon et puis on en parle un peu après. Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue. Tu en as vu beaucoup d'autres ? Non, je n'en ai même pas rêvé. Prison, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'abord, vous n'avez pas la même couleur. Une bergère et un ramoneur. Mais pas question. Pas question. Petite bergère, et je suis le roi. Alors, ne perdez pas votre temps avec ce charbonnier. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons marier. Chose est claire, il n'a pas à hésiter. N'est-ce pas? C'est l'évidence même. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres. Les bergères épousent les rois. Et pas de discussion. Oh, je décide. Le mariage aura lieu ici même, dès ce soir, quand sonneront les 12 coups de minuit. Voilà, c'était un petit extrait du Roi et l'Oiseau. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Et même les gens qui n'ont pas la même couleur peuvent se marier ensemble. Voilà, c'est un texte quand même très fort pour l'époque. Encore une fois, ça a été écrit... une partie dans les années 50, une partie était remaniée, donc on ne sait pas trop ce qui a été... Beaucoup de gens n'ont pas vu la première version, on ne sait pas ce qui était déjà écrit dans les années 50 et ce qui a été réécrit dans la fin des années 70, mais un très beau film sur la tolérance et sur justement ce roi et sur la dictature. Un film à voir absolument, c'est édité hein, chez Studio Canal, donc c'est un très beau film à aller voir. À voir même en DVD absolument. 81 sort Rocks et Rookies du studio Disney. Ça y est, là on commence vraiment à décliner chez Disney, ce qui va permettre à d'autres d'avancer. En 82, il y a un film qui s'appelle Brisby et le secret de Nîmes, qui est fait par un monsieur qui s'appelle Don Bluth et qui est un ancien animateur des studios Disney. Et en 86, il va réaliser un film qui s'appelle Fievel, avec une petite souris hein, qui décide de partir de son pays. Le film est pas si exceptionnel que ça, mais intéressant, qui est mignon, mais surtout produit par Steven Spielberg. On va retrouver ce monsieur un tout petit peu plus tard. Il a été élevé avec Chuck Jones et Tex Avery et il veut mettre sa patte dans le cinéma d'animation. On verra un peu plus tard comment. Pendant ce temps-là, les studios Disney sortent Tron, film important sur l'univers des jeux vidéo. 84, c'est Gwen, le livre de sable de Jean-François Laguioni, qui tente de faire du cinéma vraiment que pour adultes, enfin en tout cas énormément pour adultes en France, et qui fonctionne malheureusement, qui fonctionnera pas du tout. On va pas passer l'extrait, je l'ai dit à Nicolas, on va pas passer l'extrait où Jean-François Laguioni, tout simplement parce que c'est un extrait que je vous ai déjà passé quand je vous avais présenté. Alors à l'époque c'était encore Olivier qui faisait donc peut-être que certains ne s'en souviennent pas, mais en tout cas c'est un très beau DVD qu'il faut acheter. Il est sorti, Gwen, le film fait un échec total au box-office, parce que évidemment les gens de France 2 qui produisaient à l'époque, Antenne 2 pardon, à l'époque, n'avaient rien compris, et voilà, et il sort une semaine, enfin c'est terrible, et un DVD sorti avec Gwen et tous les courts-métrages. Pour les fans de belles animations, c'est chez Opening, c'est un très très beau DVD, pour une fois qu'il y a un éditeur qui dont vraiment fait un bel effort par rapport à un auteur. Vraiment, précipitez-vous pour ce double DVD. Il fera deux autres films, Jean-François Laguioni, mais 15 ans plus tard, pour ce second film qui s'appelle Le Château des Anges, un petit peu décevant, et en 2004, L'île de Blackmore, un assez joli film qui est sorti il y a 2-3 ans. 88, on va pas écouter l'extrait non plus, on va passer. C'est Qui veut la peau de Roger Rabbit de Zemeckis, produit par Spielberg et Disney. Et là, on arrive à une perfection au niveau du blue screen et de la composition entre l'être humain et le personnage de cartoon, ce qui va donner beaucoup d'envie à d'autres producteurs. Et surtout, c'est un film qui marche très bien. Et on sait malheureusement, aussi bien aux États-Unis qu'en France, de plus en plus, c'est quand même l'un des vision du succès, c'est que si ça marche en salle, on peut en refaire peut-être un deuxième ou en tout cas d'autres. Petite chose intéressante sur qui veut la peau de Roger Rabbit, il faudrait prendre plus de temps, mais un deuxième était prévu, et puis des histoires de gros sous, de choses dont on fait que ça n'était pas fait, parce qu'on voit quand même tous les personnages quasiment de l'animation, tous, même Betty Boop est là en noir et blanc, dans l'extrait que j'avais qu'on passera pas, mais il y avait aussi bien Droopy, Bugs Bunny, Mickey, voilà, donc ça fait quand même que Titi, donc des personnages aussi bien des frères Fleischer, MGM, Warner, Disney, etc. Donc un joli mélange qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui à cause de problèmes de droit, sûrement on ne s'amuserait plus. Donc ça, c'était 88, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous entendez à ma voix qui va un peu plus vite, c'est que le temps s'égrène et donc il faut que j'arrive jusqu'à l'an 2000 quand même. 89, c'est La petite sirène des studios de Disney. C'est un nouveau début pour la compagnie, avec deux personnes dont on va reparler, Michael Eisner et surtout Jeffrey Katzenberg. Il s'est arrivé en 84, c'est le premier film. Disney commence à remonter un peu la pente. Et au même moment, et ça je ne peux pas m'empêcher de le passer, au même moment arrive, 89 aux États-Unis, je crois qu'il doit arriver un ou deux ans après en France, arrive une véritable petite révolution sur les... sur la télé américaine, qui va un petit peu bouleverser l'animation dans les thèmes évidemment qu'ils décident d'employer. C'est les Simpsons. On va écouter un petit extrait d'une minute 45 des Simpsons. Prêtez bien attention, ils sont en fait, pour ceux qui s'en souviennent, qui connaissent, c'est la première saison. Et donc, ça doit être le troisième ou quatrième épisode. Et les Simpsons se rendent compte que c'est une famille un peu bizarre, donc ils vont aller voir psychologue, en tout cas pour faire une thérapie de famille, et je vous laisse écouter la suite. Tout le monde est bien à l'aise. Bon, alors ne touchez aucun des boutons qui se trouvent devant vous, pour une simple et bonne raison, CQFD, vous êtes relié électriquement au reste de votre famille. Vous avez le pouvoir de leur envoyer une décharge, et ils ont aussi le pouvoir de vous en envoyer une. Je le testais. Petit salaud. Non, Homer, pas encore. Voyez-vous, c'est ce que nous autres appelons la thérapie de l'aversion. Quand quelqu'un vous blessera émotionnellement, vous le blesserez physiquement. Ainsi, petit à petit, vous apprendrez à ne plus vous blesser du tout les uns les autres. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux, Homer ? Oh oui, alors, docteur. Bart, comment peux-tu électrocuter ta petite sœur ? Mon doigt glissé, mort. Ouais, le mien aussi. Bart, Lisa, arrêtez-moi ça. Non, ne faites pas ça. Non, un instant. Attendez. Arrêtez tout. Stop. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez guérir. Non. Non, vous êtes complètement cinglé. Stop, c'est pas fait pour ça. Bon sang, quelqu'un est en train de tirer tout le jus, monsieur. Excellent. Ça veut peut-être dire que cette manie de vouloir économiser l'énergie est morte et enterrée. Non, je vous en prie, contrôlez-vous. Au secours. Docteur, tous vos patients ont quitté le sang. Stop. Vous êtes en train de bousiller le matériel. Ça suffit maintenant. Super, tétivement. Non, je pensais qu'on aurait fait des progrès, non? Voilà, j'espère que c'était comme dans le studio. On a beaucoup rigolé à l'écoute de ce petit morceau des Simpsons. En plus, même si là, la voix d'Homer a changé depuis, c'est plus la même en français, la VF est très bonne. C'est pour ça que là, je pouvais me permettre de mettre la VF. C'est un véritable plaisir. Alors, évidemment, les Simpsons bouleversent tout. C'est la famille. C'est étonnant parce qu'un personnage comme Homer, par exemple, Zappa, Frank Zappa, le grand musicien, disait qu'il était très fan d'Homer et qu'il était Homer Simpson. ce qui paraît fou, mais c'est vrai qu'Homer a tout. Il a à la fois, il étrangle son gamin, mais il va tout faire pour essayer de le rendre heureux, sans comprendre exactement comment il fait. Il pense que côté de porc, mais voilà, c'est le personnage qui pourrait être abject d'habitude, et pourtant, on l'aime de suite, on aime cette famille complètement barge, on ressemble un peu à cette famille, on est tous un peu, donc voilà. Les Simpsons, c'est un grand plaisir, ça continue encore, ça a battu les Flintstones, on en est à la 17e ou 18e saison des Simpsons, et le premier long métrage, ils ont attendu, ce qui est plutôt bien, sort cet été. Au cinéma en mi-juillet, on a tous peur, et à la fois quand on voit les bandes annonces, bah, ça donne envie, ça a l'air d'être très drôle comme d'habitude. Évidemment, ça va être le début de plein d'autres séries, notamment évidemment plus proche de nous, il y a 10 ans, 97, South Park, une série bête et méchante qui font du bien, vraiment qui font du bien. C'est, je vous avais déjà raconté qu'ils s'étaient battus contre les scientologues, enfin qu'ils avaient fait des trucs très méchants sur les scientologues, etc. Donc voilà, c'est le genre de petites séries qui heureusement sont là pour nous faire du bien. Au même moment, on va pas écouter l'extrait, vous allez entendre ça souvent là dans les 10 prochaines minutes, mais c'est Gromit, le premier en 1989 qui arrive sur les écrans, au renouveau de la pâte à modeler. D'un seul coup, on est complètement dans un autre univers. Ça va énormément aider beaucoup de gens qui vont vouloir faire de ce qu'on appelle la stop motion, en tout cas tout ce qui est marionnette, pâte à modeler, de faire des longs métrages. En 91, ça y est, le cinéma japonais sort un petit peu du ghetto violent, même si c'est avec un film très violent mais animé merveilleusement bien. C'est Akira de Tomo qui sort en France en 91, 89 au Japon. C'est violent, encore une fois, mais animé de manière superbe. Il y a des détails incroyables quand vous regardez un petit peu partout. Et vu l'heure, on n'aura pas le temps d'écouter. Je vais la faire écouter puisque c'était un morceau entier de la BO. En plus, une BO assez forte, une bande originale assez forte, et un film magnifique. Akira, je crois, est peut-être toujours édité chez Fox. J'ai oublié de vous dire que les Simpsons, c'était aussi chez Fox. Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est chez Disney, voilà, tout ça est édité. Donc on passe au Tomo 93. Là on égrène les grands films de cette époque là pareil, même si j'aimerais bien vous faire plaisir et l'écouter, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, d'Henry Selick et non pas de Tim Burton. C'est réalisé par Henry Selick, même si derrière tout est fait par Tim Burton, le scénario, etc. C'est un film produit par les studios Disney, qu'il avait refusé à l'époque à Burton, mais Burton est parti, il a fait quelques gros succès, donc ils se disent ben, pourquoi pas le récupérer. C'est là le renouveau. En effet, ben, grâce à voilà, ces Gromit qui arrivaient, des marionnettes. Juste pour se faire plaisir, on écoute 45 secondes un petit peu de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Jusqu'à la fin, on a quasiment écouté l'un des moments les plus romantiques de l'histoire du cinéma en général. Ils se retrouvent tous les deux sur cette montagne en forme de rond, là, enfin, qui se termine. Et derrière, il y a la lune. Et ils se rendent compte qu'elle l'aime, qu'il l'aime. Enfin, bon, c'est absolument sublime. Quand des personnages peuvent aussi bien transmettre des émotions humaines comme ça. Sur les chapeaux de roue. Je vais finir. 94, création de DreamWorks, important avec David Geffen, notamment le créateur, ce producteur de Nirvana, de Nevermind de Nirvana, Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg, dont je vous ai déjà parlé, chez Disney. C'est eux qui vont ensuite produire Shrek, DreamWorks, et c'est eux qui vont, ce qu'on n'a pas réussi à faire les frères Fleischer, c'est-à-dire vraiment envisager un autre cinéma que celui de Disney, même si aujourd'hui, et très rapidement, ils vont faire absolument la même chose. 94, c'est aussi la sortie du Roi Lion des studios Disney, énorme succès et pourtant un film qui emprunte toute l'histoire à une série des années 50 de Osamu Tezuka, le Roi Léo, et en plus assez limite au niveau politique, puisque vous avez notamment à un moment donné le roi, alors déjà c'est limite, et il y a le roi qui dit à son petit garçon, tu vois, tout ça, ça t'appartient. Donc déjà, ça, c'est plus que limite. Et en plus, il dit, sauf là, faut pas que tu ailles dans ce coin-là, parce que ce coin-là, c'est le ghetto, c'est les hyènes. Ça, c'est pas à nous. Ça, faut les laisser tranquilles, vaut mieux les laisser. Le problème, ça fait un peu fureur aux États-Unis, parce que les trois voix sont Chiche Marine, qui est mexicain, Whoopi Goldberg, qui est noir, et l'autre qui parle quasiment pas. Donc on se dit, c'est bien beau, mais comme par hasard, le ghetto n'est qu'avec des gens qui sont soi-disant différents du white American guy, enfin du bon blanc américain. Donc voilà, ça va créer un petit scandale, à juste titre, le film est vraiment scandaleux. 95, Toy Story de John Lasseter, on n'écoutera pas le petit thème qui est mon thème préféré avec The Claw, quand ils sont avec tous ces extraterrestres verts, pour ceux qui l'ont vu, et c'est ce crochet qui descend pour les prendre. Enfin, c'est le seul moment vraiment complètement délirant du film. La révolution numérique, évidemment, commence à être en marche en 95 et tout le monde va vouloir des films en images de synthèse. 96, juste pour le plaisir, on va écouter Le Tombeau des Lucioles, un petit bout. Beaucoup de gens l'ont entendu, on va juste écouter 30 secondes. C'est un film d'Isao Takahata qui, avec son compère Miyazaki, ont créé le studio Ghibli. Ce qu'il faut savoir, pour dire à quel point ils sont en avance sur nous au niveau des images, c'est que ce film est montré avec Totoro. Un film beaucoup plus mignon, on va dire, même si c'est un film que j'adore, de Miyazaki. Les films sont montrés en double programme au Japon. En 96, beaucoup de gens ne vont pas voir ce film en salle, Le Tombeau des Lucioles, mais sur Arte. Beaucoup de gens disent, ah oui, je l'ai vu un soir tard sur Arte. Et ça choque tellement qu'ils ont vu un dessin animé, ils ont commencé à le regarder. Et c'est l'histoire de la guerre, c'est l'histoire de deux orphelins qui se retrouvent après la guerre. C'est pas manichéen, on cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. On a juste ces deux personnes qui essayent de survivre dans un monde qui a détruit leur famille et détruit leur pays. Et c'est absolument superbe et touchant. Le Tombeau des Lucioles, c'est sorti chez Kazé Film. Kazé DVD, faut absolument le voir. C'est un film merveilleux. Écoute juste 45-50 secondes du début. Setsuko. Mata ka. なんやこれ。ほっとけほっとけ。捨てといたらええねや。 Voilà, c'était donc un tout petit bout du Tombeau des Lucioles. Je suis sûr que rien qu'en revoyant le film, pour ceux qui l'ont vu, il y a des larmes quasiment qui sont revenues. C'est un film, mais en plus d'une grande intelligence. On est sur du pathos, mais pas du pathos obligé. On ne nous pousse pas. Certes, on nous pousse parce qu'il y a certains moments qui sont tellement forts. Mais voilà, on n'hésite pas à montrer aussi les corps carbonisés, pas par les bombes, les gens qui sont malades. C'est vraiment un film magnifique. En 97, parce que donc, le film sort en 96, Le Tombeau du ciel date de 88, mais il sort 8 ans après en France. Un an après va sortir un film qui s'appelle Ghost in the Shell en 95, voilà, qui est un film de science-fiction japonais réalisé par Mamoru Oshii, qui est visuellement incroyable, avec un sujet très métaphysique sur du 2001, le ciel de l'espace, mais quelques années après sur les robots, les cyborgs qui deviennent vivants, qu'est-ce qu'ils ont comme émotions, etc. Et c'est un film qui va énormément impressionner beaucoup de gens, notamment un certain James Cameron, qui malheureusement, après avoir fait quelques bons films, a réalisé un film qui s'appelle Titanic et depuis fait absolument n'importe quoi, dont notamment récemment un documentaire sur le Saint-Suaire ou je sais plus quoi, enfin les reliques du Christ, enfin bon. Donc on passera, mais il y a des restaurants qui ont été bons à une époque, tant pis s'ils deviennent mauvais par la suite. 98, on n'aura pas le temps de l'écouter, c'est dommage, mais on aurait pu chanter « Kirikou est petit ». Et j'arrête de chanter, je suis désolé, mais c'est comme tout à l'heure « Livre de la jungle », « Kirikou » ou comme certaines chansons comme ça, on a envie de les chanter dès qu'on chante, ça c'est la grande force de « Kirikou », c'est un film de Michel Oslo, plus d'un million de spectateurs. Il faut savoir que quand « Kirikou », on a fait une grande émission ici avec Bénédicte Galup pour la sortie de la suite, donc je vais pas trop vous en parler, mais rappelez-vous quand même que « Kirikou » avait été... refusé par beaucoup de producteurs en disant qu'un petit enfant noir ne pouvait pas faire d'argent en France, elle ne pouvait pas marcher sur les écrans français. Heureusement, même si on est une année et quelques mois difficiles là, qui vont nous attendre avec les élections et beaucoup de conneries qui vont être dites, pour en rajouter. Nicolas l'a très bien dit aussi en début de son émission, avec toutes les bêtises et tous les ministères stupides qu'on veut nous créer, on devrait créer un ministère Kirikou. Justement pour parler de ces choses-là de manière intelligente. C'est une bonne idée, lançons un vrai ministère qui sait avec Kirikou au moins quelque chose. C'est un vrai facteur Kirikou qui rassemble intelligemment des gens qui, voilà, aussi bien des petits-enfants blancs, arabes, noirs, enfin de toutes les religions, de toutes les différences possibles et imaginables. C'est vraiment un beau film et qui a réuni beaucoup de monde. 2000, sorti en France de Princesse Mononoke, autre style, Hayao Miyazaki, mais qui va amener beaucoup de gens aussi à voir le cinéma, encore une fois, d'animation différemment, et surtout le rapport à la nature. Les Japonais ont un rapport avec la nature très fort, avec la religion animiste notamment, et on est tout le temps en relation avec cette nature, et si on fait du bien à la nature nous le rendra. Jusque-là, la critique était quand même désintéressée de l'animation japonaise, elle comprend enfin son erreur, et évidemment, comme souvent avec la critique, dès qu'elle a quelqu'un, elle s'occupe que de lui, donc il n'y a plus que Miyazaki qui l'intéresse, Kon Satoshi, Mind Game, de Masaki Yuasa, je vous donne des noms comme ça, mais plein de grands noms n'intéressent absolument personne, car il n'y a que Miyazaki. Et je vous avais déjà dit la dernière fois, il y a le prochain film de Miyazaki qui sort, mais du fils Miyazaki. Je vous parie que sur les affiches, il y aura marqué en gros Miyazaki, en tout petit le nom, le prénom du fils, pour mettre le doute dans les gens. Oh, c'est le prochain Miyazaki. Donc voilà, quand un nom devient vendeur. 2003 en France, sorti les Triplettes de Belleville. Deux ans avant étaient sortis aussi deux films un peu plus adultes, qui étaient Final Fantasy, d'après un jeu vidéo qui se voulait très réaliste, qui ne marche pas du tout, mais qui se voulait avec une structure. Vraiment, là, on sentait bien la peau, c'était assez étonnant. Mais le film n'était pas très bon. Et Les Mutants de l'espace, un film de Plimpton, complètement sexe et violent et cul. Et Plimpton gâche un peu son talent, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et c'est sorti chez ED Distribution, Je me dépêche, Les Triplettes de Belleville. En 2003, on n'écoutera pas, tant pis pour eux. Voilà, mais de l'animation pour adultes triomphe. Et définitivement, un film d'anime peut être fait pour les adultes. 2004, Shrek 2 bat tous les records au box-office. 7e au box-office de tous les temps. Il rapporte plus d'un milliard, je crois, quasiment, dans le monde entier. Enfin, de la folie. Pourtant, c'est loin d'être un grand film, sauf l'hommage d'extrait que je voulais vous passer, qui était l'extrait avec le chat, où là, par contre, c'est très drôle. Et c'est d'un seul coup, Antonio Banderas, Mike Myers, Alain Chabat en France, les grosses voix qui font. Je voulais vous passer, on va juste finir avec ça, avec les deux derniers. Je vais vous passer Mercano, le Martien, un des très grands films, il faut que vous le voyez, sorti en DVD. C'est un film mexicain qui... parle de la création d'Internet et qui critique énormément les grosses structures qui ont repris Internet. C'est un film, le distributeur, je leur avais dit d'aller voir Attack à l'époque pour un peu justement se faire distribuer par Attack, en tout cas qu'il y ait quelque chose, que c'est un film anti-mondialiste très fort, mais Attack avait dit non, c'est un dessin animé, ça nous intéresse pas, comme quoi l'animation ne peut pas être politique, c'est un tort, puisqu'on a Mercano le Martien. On va pas passer Mercano le Martien, je le passerai, puisque ils sont déjà là, nos amis sont déjà là, donc on va finir. Donc voilà, c'était un grand passage. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le temps, et la semaine prochaine, je viens pas toutes les semaines, la prochaine fois que je viens, je vous donnerai plein de minutes. Oh bah c'est gentil, merci. Donc on va donc plus lentement dire ça. Je vais vous donner un nom de site. Je vais vous donner l'adresse mail auquel vous pouvez me joindre, qui est thewebanime, thewebanime, @gmail.com. Donc thewebanime, thewebanime, @gmail.com, gmail.com. Si vous avez des questions sur tous les films dont j'ai parlé, sur Mercano le Martien, sur des choses comme ça, n'hésitez pas. Je vous donnerai par la suite une liste de DVD quand même, on va laisser, et de sites internet où vous pourrez... Si vous avez envie de voir plein de belles choses anciennes, vous avez un site qui s'appelle archives, archives.org. et vous avez plein de choses. On revient là-dessus de toute façon. Après le début mouvementé et on avait été on va se quitter avec Roland Topor, l'un des grands génies, l'un des grands monsieur du 20e siècle. Et on va se quitter avec la fin de Téléchat. Je vous dis chalut et on se retrouve très bientôt pour de l'animation. Merci. See.